Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. Now what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, that's the point. I won't think about nothing. Now I gotta do something else. Hi, hi, hi! Pass the time and someone shave it. And he got a new identity. 62 old air cushion boots and a girl who rides Une musique à fleur de peau qui nous trouble parce qu'elle nous embarque dans les limbes entre le connu et l'inconnu. Sur terre, on se défile et on s'enfile, on se défile sur terre. pluridisciplinaire, celle d'Alexandre Castan, essayiste et historien de l'art contemporain, écoutant tout ce qui traîne, en particulier lorsque le son touche toute forme d'art, de l'art radiophonique au cinéma, en passant par les arts plastiques et la performance live, ses livres et essais tracent le chemin d'une écoute attentive des arts sonores qui nous entourent. Je vous invite ainsi à entrer dans le jardin secret de son journal audiobiographique, comme Alexandre Castan l'a si bien nommé. Just We'll be right back. parler ensemble de ce qui fait aujourd'hui sens pour des artistes actuels dans la constitution d'une esthétique, d'une identité artistique entre improvisation et écriture. Ou comment se dépatouiller du passé des prédécesseurs en piochant des bribes de tout pour en faire un style unique. We'll be right back.

Dans 8 jours, les citoyens français sont appelés à participer au premier tour de l'élection présidentielle. Les résultats de ce scrutin ne manqueront pas d'être largement analysés. Cette bataille de commentaires faisant d'ailleurs pleinement partie de la compétition politique, elle n'attend même pas le vote pour commencer. C'est particulièrement vrai cette fois où, pour diverses raisons, les sondages semblent jouer un rôle majeur dans la structuration de l'offre politique comme dans l'appréhension des candidats par les électeurs. À entendre beaucoup de commentateurs, les électeurs seraient ainsi tous devenus d'extraordinaires stratèges, la palme étant même décernée par certains aux abstentionnistes que d'aucuns osent fêter comme les seuls vrais militants du moment. Il est temps de remettre un peu de raison dans tout ça, non pas dans le cerveau d'électeurs moins rationnels que ne le voudraient souvent les éditorialistes, mais tout simplement dans l'analyse générale du vote, revenir aux connaissances que la sociologie électorale a patiemment accumulées au fil du temps. Et distances between us. Sometimes I try to imagine a village hundreds of years ago, where little changes during a lifetime. Maybe the cobbler tries a new heel on a boot, crops are rotating, but nothing changes how people are. But they spend their time doing it, thinking about the world is dying, the world is living. Très longtemps, les philosophes ont inventé ce que Gilles Deleuze appelle des personnages conceptuels. Des personnages qu'ils ont mis en scène dans des dialogues avec d'autres, mais le plus souvent avec la figure du philosophe lui-même. Ces personnages ont notamment permis, depuis Platon et jusqu'à Sade au moins, de tester la solidité de théories de la justice qui ne pouvaient donner toute leur force que face à ces figures incarnées du mal. Dans un essai original, Céline Spector revient sur ces insensés qui osent défendre l'injustice, tenter de déstabiliser les philosophes. Elle s'interroge aussi sur la disparition dans la philosophie contemporaine de telles figures et plus encore sur les effets d'une telle disparition. La philosophie détournerait-elle trop le regard du mal au risque de ne plus saisir notre monde ? When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been crying. And all the old ladies, they're all on their way to church. To go to church, I bet you will I be a lonely boy. I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house, they'll shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with glue. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night long. Just a looking for a kiss. Just looking for a kiss. Depuis une trentaine d'années, de nombreux travaux d'historiens sont venus explorer ce que l'on appelle désormais la première mondialisation. Et au-delà de l'écho ressenti avec la situation contemporaine, saisie comme une sorte d'accélération de cette globalisation qui désormais inquiète plus qu'elle ne fascine, il faut voir dans cette évolution historiographique les résultats bénéfiques de réflexions épistémologiques qui sont nées dans les années 70 sur la manière dont on écrit l'histoire. Alors évidemment, ces travaux ont beaucoup porté sur la découverte de l'Amérique, mais dans ce même moment, il y a d'autres régions du monde qu'il s'agit d'englober, de positionner tout simplement sur les cartes du monde, sur les globes. Et parmi ces régions, une importante à propos de laquelle on peut se demander à quel moment et comment on a découvert la Chine. Thank you. see, I can't understand why you wanna say nigga to your brother man. Talking black pride, then you call yourself a nigga. Don't bring yourself down, cause it just don't figure. Take a look at yourself and your history. You don't look like a goddamn nigga to me. It's a negative word and the white man made it. Gave you a name to dominate and trade it. Making blood money off his very own race, man. And all of this because of the color of your face, man. Nigga! Nigga! And educated in a neighborhood of crime. Taught from the beginning that you weren't worth time. Liquor store and gun store, next to one another. With only one purpose, so you all kill each other. Leaving one less problem to worry about. That's the way they do it, this is how it turns out. Injustice for all with the American government. I wanna know where all the goddamn money went. We didn't see it and it didn't do no good. I guess you couldn't give a fuck about a black neighborhood. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas! You're the real niggas! You're the real niggas! You're the real niggas! Gonna be fanatical minorities, the Ku Klux Klan, or fucked up authorities, conservative cunts and religious preachers. I don't care, cause they ain't our teachers. Living a life to say it's free from sin, then they judge another person by the color of their skin. I feel ashamed of myself, I'm a white human being, surrounded by suckers too afraid to be seen. There ain't such a thing called superior race, and there ain't nothing special by the color of your face. You got a one way ticket to a dead end street. The pressure is on, so feel the heat. Media pollution is a very bad solution. Hypocritical hype is your only contribution. So leave us alone and give your brother some space. It's your lousy contribution to the human race. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You watch who you call a nigga.

Quand nous sommes arrivés à Hollywood, nous sommes arrivés par l'air. Mais Los Angeles était moins éclairé que maintenant. Mais tout de même, c'était très impressionnant quand on est au-dessus de cette forêt de lumière, de ces avenues à l'infini. On a l'impression d'arriver dans un endroit assez extraordinaire. Nous étions enchantés. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Your bags for a strike. avant-goût, car le hasard a fait qu'on a pu assister à un workshop, comme on dit en bon franco-allemand, un workshop dont le sujet était justement l'art sonore dans la globalisation, soit l'art sonore au niveau mondial. Écoute, comparaison et palpation. C'était organisé notamment par Markus Gammel de la radio allemande Deutschlandradio Kultur. Ça se passait tout près de la Schlesische Store, une station de métro aérien sous laquelle on trouve une boutique installée dans d'anciennes toilettes publiques et qui fait désormais, paraît-il, le meilleur hamburger de la ville. Mais là n'est pas le propos. Des artistes et acteurs de l'art sonore du monde entier s'étaient donné rendez-vous. Ils viennent d'Allemagne, bien sûr, du Venezuela aussi, du Brésil, de Thaïlande. Il y a aussi quelques propos sur l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine. Une journée riche et non-stop qui a été ouverte par un garçon dont les tatouages font le tour de l'oreille, mais ce n'est pas le plus impressionnant. Non, le plus impressionnant chez Cédric, c'est CDRK, c'est son nom, compositeur et producteur qui vient de Belgique. C'est son érudition, lui qui tient une vraie base de données sur l'art sonore mondial. Tu peux t'inscrire, mais pour gagner, tu sais, c'est même pas la peine d'y penser, même pas la peine de dépenser tous tes milliers de billets en milliers de billets de concert. Pas la peine, c'est déjà joué. Si tu veux gagner, route boy, pas de malentendu. Il faut progresser, il faut s'entraîner dans la rue, s'entraîner sur des skins, s'entraîner sur des fachos. C'est comme ça que l'on gagne la Coupe du Monde de Pogo. La Coupe du Monde de Pogo. La Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. La Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. Tu vas devoir bouger tes jambes et tes bras pour casser des dents, casser des côtes et casser des tibias. Tu vas t'équiper comme un gaffe avec un casque et un bâton. Avec un casque et un bâton, un flingue et des pompes en béton. Car le pogo roadway c'est pas un concours de génie. Ouais, le pogo roadway c'est bien qu'une philosophie. Ils vont matraquer tous les skins et matraquer tous les blaireaux. C'est comme ça que l'on gagne la Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. La Coupe du Monde de Pogo. Coupe du Monde de Pogo. Coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, coupe du monde, un beau livre, comme on dit quand on s'approche de Noël. Un beau livre parce que richement illustré, et ça aussi on le dit beaucoup à l'approche de Noël, mais c'est un beau livre qui raconte aussi une histoire. Ce livre est signé Klaus Blaskis, la couverture est d'un rouge incandescent, quelque chose brûle à l'arrière-plan, et au premier plan, à contre-jour, il y a une silhouette chevelue, à côté de laquelle on devine une cymbale de batterie. La silhouette, c'est celle de l'auteur, voix pendant 10 ans du groupe Magma, et la batterie, c'est très vraisemblablement celle de Christian Vander, point inamovible du même groupe. Et l'histoire du livre, c'est l'histoire de ce groupe magnétique et hors norme, Magma, inventeur de son propre genre musical, la musique Zeul, et de sa propre langue, le cobayen, qu'on entend, par exemple, en ce moment, dans ce morceau enregistré à la BBC en 1974, Contarcos. fondatrice du Deep Listening Institute, Pauline Oliveros, a participé à la révolution de notre écoute, de notre entendre dans la deuxième moitié du XXe siècle, développant une musique de l'infime, du sensoriel. Son œuvre nous hante encore aujourd'hui. dare lie to me. I've seen it all before, the way you disagree, the way you always attack all the things that you say, the way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that no one's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up to a higher degree and look down in disgust at our misery. You know better than your enemy, but it's easy to hate what you just can't be. Don't deny the fact that you're a mortal man. You can't escape from death when it's close at hand. Don't sit upon a pedestal and raise your voice if you're too deaf to listen to the people's choice. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth, tell me the truth. The truth, you sucker. The truth, tell me the truth. Motherfucker, tell me the truth, tell me the truth, tell me the truth. The truth, you sucker. You play us out and you take us for food, but I never understood or even made the rules. I'll make my stand against supremacy, cause hypocritical governments threaten me. I know you ain't blind and I know you're aware, but your ego's too big for you to even care. The doors are wide open but your eyes are closed. You're unable to look any further than your nose. You open your mouth and all I hear is lies. You keep spreading your message that I despise. The game you're playing is so easy to see. It's just another repeat of our history. You talk about peace, it's a very strong word. It's always been said but it's never been heard. High-tech weapons are here to reassure it, but I never seen a time when they've done a shit for it. True. Tell me the truth, the truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth, tell me the truth. The truth, you sucker. The truth. Tell me the truth, the truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth, tell me the truth. The truth, you sucker. The truth. Tell me the truth, the truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth, tell me the truth. Il y a les maniaques du déclin. S'il y a quelque chose qui n'est pas en déclin, c'est bien la francophonie et le français. Fuck! fiddlesticks!